Salut, tout le monde en rang, on va faire une photo d'équipe. Voilà la photo, moi je veux être entre Charline, Clara, Juliette, Mélanie et Isabelle. Ah bah voyons. C'est beau de rêver. Ouais, dans tes rêves, Alex. Moi ça me dérange pas. Voilà, on se calme là, le photographe il attend. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors moi j'avais une idée à proposer éventuellement, c'était photozik. Une photozik. C'est une idée que j'avais eue, c'est un concept, un mélange de photo et de zik. C'est le photozik. Super. Bon, Guillaume, qu'est-ce que tu proposes? Moi, je suis allé interroger le photographe de l'affiche de campagne de Valérie Pécresse. Non, mais c'est pas le sujet, enfin. Samir, on compte sur toi, je t'écoute. Moi, j'ai un très bon copain footballeur qui fait des super vidéos à poil. C'est un bon formidable. Hippolyte. Le caméra, le réalisateur, Frédéric, s'il te plaît, Frédéric, à toi. Non, moi, je m'appelle pas à toi. Mon nom, c'est Fromé. Stop. On va pas s'en sortir. Allez, hop, tout le monde en position, là. On est prêts. Guillaume et Juliette, mais qu'est-ce que vous foutez devant? On sourit. Oui, on sourit. Mais enfin, vous êtes trop grands, on voit plus les autres. Charline a raison, c'est vraiment trop injuste. Moi, tant que je suis entre Charline, Clara, Juliette, Mélanie et Isabelle. Ouais, c'est ça. Merci Alex, merci, on a compris. Bon, Thomas, t'as toujours pas retrouvé ton rasoir. Et c'est marrant que t'en parles parce que ça me fait penser à un autre concept que j'avais eu l'idée. C'est Razik, c'est un mélange de rasoir et de zik. Juliette, pour la photo, est-ce que tu comptes bouger comme ça tout le temps? Non, mais c'est-à-dire qu'hier soir, j'ai un peu bu. Bon, alors Clara, vas-y, donne un peu l'exemple. Oh, moi, je veux pas qu'Alex soit derrière moi. Non, mais j'en peux plus. Alex, pas ma cheville. Alex, lâche ma cheville. Ah super. Non mais franchement, la photo, ça va être n'importe quoi. Heureusement que c'est pas le bordel comme ça dans l'émission. Franchement, oui. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui conteste la ligne éditoriale du parti. Et voici les trois informations qui finiront à la porte à 18h. Nicolas Sarkozy a viré NKM de son poste de numéro 2 du parti, les Républicains. La séparation couvait depuis longtemps et hier, ce fut l'escalade. J'habiterai dans cette maison, ça se passera pas comme ça. J'ai encore mon mot à dire. Tu veux la guerre, t'auras la guerre. La radio aujourd'hui, c'est déjà 20% d'écoute en numérique. Et les web radios fleurissent, libres et non formatées. Et toutes sont un laboratoire. Hein. Bonjour, Sylvestre Ringer au micro qui vous présente une nouvelle émission. Aimons-nous les uns les autres. Une troisième, c'est non formaté. À Paris, Londres ou New York, de plus en plus d'habitants passent les vacances dans leur ville pour la redécouvrir, par manque de moyens, mais ça n'empêche pas certains de passer une ou deux nuits dans un hôtel en bas de sa rue. J'ai dit à ma femme, fais les valises, on rentre à Paris. Et outre Georges Marchais, pour m'accompagner, j'ai à mes côtés Mélanie Boer, bonjour. Oui, bonjour, je suis assez triste que Alex Vizorek soit pas là, parce qu'on part aujourd'hui le 30 octobre 1979, Michel Thor est 40e des charts, avec Disco Motion, mais pas que, hein, tout à l'heure, bande son d'une journée sombre. Ah bon, Alex nous écoute certainement de Bruxelles, où il est en représentation. Guillaume Meurice, vous cumulez les mandats, on va vous retrouver à 17h35, outre aussi faire le journal avec moi à 17h17, et donc on vous retrouve avec une nouvelle enquête. Tout à fait, moi je suis allé à la rencontre de la jeunesse de France aujourd'hui. Plein de jeunes avec des rêves d'amour, de paix, de liberté, qui veulent quoi concrètement? De la thune, de l'argent, ouais. Ouais, aussi de la thune et de l'argent. Essentiellement. De la thune. Juliette Arnaud, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on arrose aujourd'hui? Alors, vraiment plein de choses, mais je ne peux pas vous dire à l'antenne ce que c'est. Et sinon, je vais vous entretenir d'une BD formidable qui s'appelle Le cher pays de notre enfance. Ah, celle de notre invité, tout évidemment. À fait. Oui, car chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence, un référent de la République. Aujourd'hui, c'est un voisin né sous Pompidou, car vous devenez journaliste à France Inter en 94 quand Robert Rue remplace Georges Marchais à la tête du PCF. Ça ne rajeunit pas. Vous publiez Un homme à abattre sur l'affaire Boulin en 2007, quand Nicolas Sarkozy entre à l'Élysée. Et vous sortez un livre intitulé La Fédé, comment les socialistes ont perdu le Nord. C'est paru déjà en 2012. Et c'est quand François Hollande entre à l'Élysée. Et vous êtes Benoît Colombat. Bienvenue. Mais oui. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Benoît Colombat, journaliste d'investigation à France Inter depuis 1994 donc. Vous publiez « Cher pays de notre enfance », une enquête sur les années de plomb de la Ve République. Et là, les mots sont lourds de sens. Avec Étienne Davodeau. C'est donc une bande dessinée et une enquête qui est en fait l'enquête, un peu l'enquête de votre vie. Et la contre-enquête de l'affaire Boulin. Oui, alors parce qu'on parle de l'affaire Boulin, mais pas que de l'affaire Boulin. Hein. Les années de plomb, en général, c'est une expression qu'on emploie plutôt pour parler de l'Italie ou de l'Allemagne. Mais en fait, l'idée avec Étienne Davodeau, c'était de partir à la rencontre de notre propre histoire pour montrer que nous aussi, en France, on avait des cadavres dans le placard et notre propre histoire lourde et une violence politique assez importante. Oui, alors vous le dites dans le quatrième de couverture, hein, dans ces années-là, on tue un juge trop gênant. On braque des banques pour financer des campagnes électorales. On n'est pas loin. Oui, on braque des vieilles maintenant. On maquille en suicide l'assassinat d'un ministre. Finalement, tout ça aide un petit peu à relativiser ce qui se passe aujourd'hui ou pas? C'est-à-dire que, en fait, ce contexte de violence politique a forcément déteint sur ce qui s'est passé par la suite. Parce qu'on parle quand même de mouvements quasi mafieux. On parle d'une organisation qui s'appelait le SAC, qui, officiellement, était le service d'ordre du parti gaulliste et qui, en fait, d'action civique, qui service d'action civique et qui, au fil des années, a complètement dérivé et a fini par tuer effectivement des personnes qui dérangeaient. Et donc, et c'est vrai que, par exemple, Nicolas Sarkozy, à l'époque, c'était un jeune militant. Mais il y a deux personnages qui font partie de cette histoire, qui sont ses parrains politiques. Charles Pasqua, j'ai dit politique. Charles Pasqua, alors on ne cesse de courir après lui, il ne veut pas nous parler. Et puis un autre personnage qui est moins connu du grand public, mais qui s'appelle Achille Peretti, et qui était l'ancien maire de Neuilly-sur-Seine et qui était membre du Conseil constitutionnel. Il a toujours su s'entourer, Sarkozy. Mais d'ailleurs, on le voit à un moment, Nicolas Sarkozy, il y a un petit morceau qui lui Il fait une allusion à l'affaire Boulin. Il dit « Je n'oublie pas Robert Boulin ». Oui, et selon vous, ça contient une menace très précise. Un message très précis à l'endroit de son propre parti, c'est-à-dire aux Chiraquiens, en disant « Attention, moi je sais les choses, faut pas venir me chercher ». Même récemment, dans l'actualité, il y a eu un des protagonistes de l'affaire Big Malion qui a fait une allusion très claire à l'affaire Boulin. On lui demandait s'il avait pas peur suite à des déclarations qu'il avait faites mettant en cause Nicolas Sarkozy, donc sur le financement de la campagne électorale. Et il a dit oui, j'ai pas envie d'apprendre à nager dans 20 cm d'eau. Voilà, donc hier, 2015, ça fait rêver. Il connaît bien son oui, histoire. Oui, puisque l'affaire Boulin, rappelons-le, donc le ministre du Travail retrouvé suicidé, va-t-on dire, en 79, dans la forêt de Rambouillet, dans 50 cm d'eau, après absorption de Valium. 10 ans d'enquête pour vous, Benoît Colomba? Parce que j'ai commencé à enquêter sur cette histoire en 2002, sur France Inter. Ensuite, j'ai fait un livre, j'ai fait des droits de suite. Et puis là, la BD avec Étienne Davodeau, ce qui était vraiment formidable, c'était que le dessin peut donner à voir justement ce qu'on voit pas, parce que toute cette histoire, encore une fois, qui a été camouflée, fragmentée, et puis elle a pas vraiment été racontée, parce que il y a pas beaucoup de livres en fait sur cette période. Même sur le SAC, par exemple, il y a un livre d'un historien sur le SAC, c'est tout. Et puis les acteurs de cette histoire la contrôlent d'une certaine façon, parce que on ne cesse de courir, par exemple, après l'ancien trésorier du SAC, Jacques Godefrin, qui est devenu député, qui a été ministre de la Coopération. Il veut pas nous parler. Aujourd'hui, c'est le président de la Fondation de Gaulle. Et puis les autres sont morts. Voilà, il y a, comme dit l'un des personnages, il y a beaucoup de morts dans cette histoire. Oui, il y a un taux de mortalité assez important. Et donc, la BD, qui est un genre qui est au départ connoté divertissement fiction, mais qui devient un genre politique, un genre de plus en plus proche des faits. Et on salue nos confrères de la revue 21, par exemple, qui depuis de nombreuses années font des reportages sous forme de BD qui sont très très réussis. Et les gens de la revue dessinée aussi, c'est eux qui ont initié ce projet. La revue dessinée, ils mélangent, ils marient le journalisme au dessin, à la bande dessinée. Ils sont capables de faire des histoires sur les produits toxiques, sur, là dans le dernier numéro, l'assassinat du magistrat Borel. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui jaillit en ce moment. Et la BD, ça permet aussi de mettre en image le modus operandi de l'enquêteur, parce que ça fascine aussi les gens. Parce que déjà, il y a un super scénar, et en plus du scénario, il y a votre modus operandi, il y a l'enquêteur. Il y a deux choses. La première question que m'a posée Étienne Davodeau, c'est « ça ne te dérange pas si je te dessine ?» C'est-à-dire que c'est un petit peu, mais bon, j'ai bien compris son idée. C'était forcément, c'était pas un artifice de narration. L'idée, c'est justement d'entraîner le lecteur dans les coulisses de l'enquête. C'est autant l'enquête que les coulisses de l'enquête. Et on montre les réactions de nos interlocuteurs, les portes qu'on se prend sur le museau, les mensonges des gens, nos échecs, en fait. Mm-hmm. Ou par exemple, à un moment, on se plonge dans les archives. Bon, a priori, c'est pas très sexy, les archives de l'Assemblée nationale, poussiéreuses, etc. Et dedans, il y a des pépites. Donc on est là, on est tous les deux en train de se marrer au milieu des archives de l'Assemblée nationale. Et voilà, donc, cher pays de notre enfance, enquête sur les années de plomb de la Ve République, Benoît Colomba et Étienne Davodeau. Et tiens, félicitations parce que vous avez appris tout à l'heure que vous êtes dans la compétition officielle pour le Festival d'Angoulême 2016. Et ouais, voilà. Et alors, j'ai pas dit les éditions, c'est Futuropolis. Et on se retrouve, on se retrouve après ça, tiens. Amy Winehouse. Good, mais c'est Amy Winehouse qui le dit, c'est pas moi, sur France Inter. Il est 17h22, Benoît Colombat est avec nous, il publie « Cher pays de notre enfance », une enquête sur les années de plomb de la 5e République avec Étienne Davodeau, édition Futuropolis, et on va en reparler tout à l'heure avec Juliette Arnaud. Mais autour de cette table, il y a aussi Mélanie Bauer et Guillaume Meurice. Et oui, et Juliette Arnaud aussi. Mais ça fait pas quatre fois. Ah, moi j'aime bien Juliette Arnaud. Benoît Colombat, journaliste d'investigation à France Inter. Attention, attention, parce que là on va faire un journal. Vous allez nous noter. Je prends des notes. Ah, vous allez prendre une leçon surtout. Hein, je pense. Attention les oreilles, c'est parti. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. L'information du jour, c'est bien sûr l'éviction de Nathalie Ah, c'est pénible, c'est nom de famille compliqué. Oui, rappelez-moi le vôtre. Bon, on enchaîne avec le deuxième titre. Merci. D'accord, Charline Vanunak. Ah, il y a Hanouna dans votre nom, j'avais jamais remarqué. Oui, très bien. Bon, on enchaîne. Oui, on enchaîne. La conservatrice américaine Sarah Palin exprime son admiration pour Marion Maréchal Le Pen en la comparant à Jeanne d'Arc. C'est vrai qu'avec un soutien pareil, elle est complètement cramée. Oui, et il y aura des brèves comme les aime Alex Viggs. Oh là, vous avez tous des noms compliqués, oui, c'est bon, pas possible. On enchaîne. Et on commence avec NKM qui est virée de la direction du parti Les Républicains car elle est jugée trop à gauche. Ah, ça lui pendait au nez, ça faisait maintenant plusieurs années qu'elle refusait le port du serre-tête. Et oui, elle pourrait rejoindre l'équipe d'Alain Juppé qui est lui pour un large front républicain. Oui, c'est vrai qu'en matière de front, Alain Juppé a de la superficie. Ouais, c'est une blague visuelle. On enchaîne avec les élections régionales. Toujours Nicolas Sarkozy qui se trompe de compte Twitter pour féliciter un candidat. Oui, croyant féliciter Didier Robert, le candidat de la droite de La Réunion, l'ex-chef de l'État a fait une erreur de destinataire et a félicité un homonyme. En retour, Didier Robert a envoyé un tweet de remerciement à Paul Bismuth. Toujours sur Twitter, Nabila a posté ce commentaire authentique hein, à l'adresse de Marine Le Pen. Je cite « Non mais allô, vous passerez jamais, nananananer ». Fin de citation. Après les résultats des élections, elle aurait même ajouté « Allô, non mais allô, quoi, t'es une fille, t'as pas de région ». Analyse politique toujours. Gilbert Collard déclare sur France Info à propos des socialistes, je cite « Quand on surfe sur les peurs, ça peut marcher, c'est une vieille technique de la propagande fasciste ». Fin de citation. Gilbert Collard, au nom du Front National, envisagerait de porter plainte pour plagiat. Fascisme toujours. Sarah Palin déclare « J'ai un coup de cœur politique pour Marion Maréchal Le Pen, mais je ne pouvais pas voter parce qu'elle se présentait en France ». Rappelez-nous qui est Sarah Palin. Alors, elle est l'ex-candidate à la vice-présidence des États-Unis, hein, célèbre pour avoir notamment déclaré « Les dinosaures et les hommes ont vécu en même temps sur Terre il y a 6000 ans ». Ah oui, d'accord. Heureusement, les États-Unis ont changé. Et quel est le favori pour les Républicains? Donald Trump. Oh putain, ouais. Oh putain, mais qu'est-ce qu'ils sont cons ces Américains. Oui, rappelez-moi combien de voix a obtenu Marion Maréchal Le Pen? 886 147. Ouais, il n'y a peut-être pas que les Américains qui sont cons, mais ne désespérons pas car Amanda Lear se lance en politique. Ah, oui, et à quel moment c'est rassurant? Eh ben enfin quelqu'un qui a des couilles. Ah oui, alors on enchaîne. Oui, sur son site internet, France Inter propose un article intitulé Quel rapport les Français entretiennent-ils avec la politique? En ce moment, là? Oui, en ce moment. Bah, un rapport anal. Oui, alors on enchaîne avec les brèves. Une première brève. Le milliardaire chinois, désormais propriétaire du Club Med, avait mystérieusement disparu jeudi, car il fait l'objet d'une enquête anticorruption. Au bout de 4 jours, il a enfin réapparu devant ses actionnaires. Oui, donc l'alerte est levée dans tous les Club Med. Hein. Vous pouvez recommencer à consommer les raviolis du buffet chinois. Bien, bonne nouvelle. Et deuxième brève, elle accouche dans un VTC et nomme son fils Uber, U-B-E-R. Oui, on s'en va, hein, ça c'est proche d'un prénom déjà existant. Hein. Si la mère avait accouché de jumeaux dans un Paris-New York, elle l'aurait appelé Boeing Boeing. C'est l'information. Plein la vue, non, là, Benoît Colomba. La claque qui s'est pris, Colomba. Bam. Calmez. On vous prend en stage, Benoît Colomba, quand vous voulez, sur France Inter. Allez, on vous accompagne jusqu'à 18h et on va aborder le premier sujet avec vous. Nathalie Kosciusko-Morizet vient de se faire virer donc de son poste de numéro 2 chez Les Républicains. Elle a rendu la machine à café et la graffeuse à Nicolas Sarkozy. Voilà, c'est la fin d'une longue histoire. On pourra dans les premiers temps donner la gosse à tes parents, le temps de faire le nécessaire. Il faut quand même se retourner. Ça me fait drôle de divorcer, mais ça fait rien, je vais m'y faire. Si tu voyais mon avocat. Eh oui, les divorcés, Michel Delpech. Donc le nouveau numéro 2, c'est Laurent Wauquiez, qui a remporté une réunion. Et elle n'est pas devenue numéro 3. C'est pour ça que ça marche. Et Éric Woerth, secrétaire général dans le nouvel organigramme. Voilà, Nicolas Sarkozy est bien entouré. Faudra un beau vérifier, triomphe. Parce que je pense qu'il est en taule, hein, Woerth. Je ne sais pas si c'est la vérité. Non, toujours pas. Ah pardon, c'est moi. Toujours pas. Alors Benoît Colomba, vous qui êtes journaliste d'investigation, qui faites du travail de longue haleine, là on va vous demander de faire du commentaire politique. Est-ce que journalistiquement, c'est diamétralement opposé? Alors là on est dans le show, dans le commentaire, vous êtes plutôt dans le temps long et l'enquête. Oui, mais bon, là dans le cas présent, on est dans la pure tactique politique. Hein. C'est sûr que on a du côté Sarkozy la ligne Buisson. et du côté Hollande, la ligne Macron. Et l'objectif, c'est être au deuxième tour de la prochaine présidentielle. Ça penche à droite, hein, quand même, tout ça. Hein. Ça penche à droite, effectivement. Donc là, la ligne Buisson avec Sarkozy, donc il avait déjà utilisé. On a vu que Laurent Wauquiez, lui aussi, était plutôt sur cette ligne. Ouais. Voilà, et donc il met en avant sa victoire dans la région de Rhône-Alpes pour dire, bah, regardez, ça marche. Et pas NKM, alors. Alors, NKM, c'est plutôt, outre un symbole de mon cul sur ma commode, évidemment, mais un symbole de liberté. Non, mais c'est joli, ça pourrait être son slogan, mais oui. Ah, un petit côté comme ça, NKM, je sais pas. Bon, proche du peuple, quoi. Voyez. Mais c'est quand même un symbole de la liberté de parole et de l'ouverture du parti Les Républicains. Et donc, ça n'a oui, pas sa c'est place. C'est pas Martin Luther King non plus. Je dis ça. Je dis ça parce qu'elle c'est une femme et qu'elle est blanche. Mais voilà, disons c'est vrai que, est-ce que dans le parti Les Républicains, avec cette ligne très, très droite, très dure, etc., finalement, le NKM apparaît presque comme une rebelle. C'est ça qui est drôle. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, l'histoire, c'est un éternel recommencement. On est en train de voir se dessiner un espèce de revival de l'affrontement Chirac-Balladur. La primaire à droite va vraiment être, pour le coup, violente. Je ne sais pas si elle le sera autant que dans les années 70, mais c'est évident qu'il y a deux lignes qui sont en train de se dessiner. Et il y a une espèce de course à l'échalote pour droitiser son discours. Oui. C'est mais il a déjà perdu avec cette tactique-là, c'est ça qui est étonnant. Avec la ligne Buisson, il a déjà perdu. Oui, oui, bien sûr. Mais on voit, je veux dire, les victoires électorales, elles se construisent toujours d'abord sur une espèce de victoire psychologique avant. On voit bien que le Front National a mis en place un espèce d'agenda, d'éléments de langage. Et c'est vrai que, du coup, tout le monde prend le pli. Et là où c'est assez compliqué, je disais, la ligne Buisson à droite et la ligne Macron à gauche, c'est que, d'un point de vue tactique, Marine Le Pen, tout en gardant les fondamentaux hein, du parti du Front National, a changé un peu le logiciel économique de son parti, parce que le Front National, avant, c'était un parti ultra-libéral. Hein, je veux dire, Jean-Marie Le Pen père, c'était Reagan, Ronald Reagan réincarné. Hein, dans, c'est une entreprise, Le Pen. Dans les années 80. Donc là aussi, il y a un changement tactique assez intéressant. Et c'est vrai que du coup, la gauche dite de gouvernement, étant uniquement calquée sur le logiciel la compétitivité, la réduction des déficits, il faut se saigner toujours plus. Bah du coup, il y a un espace politique qui se libère aussi là-dessus pour le Front National. Même si on peut considérer que c'est tout à fait tactique et que c'est hypocrite et qu'ils ne pensent pas ce qu'ils disent. Mais de fait, ils font mine de s'adresser aux catégories populaires. Et ça fait bien longtemps que le Parti Socialiste ne parle plus à ces catégories-là. Et héritage aussi, puisque la doctrine du Front Républicain, c'est aussi une doctrine chiracienne sur laquelle s'inscrivait NKM, qui est contraire à celle de Nicolas Sarkozy, et voilà. Et tout fout le camp, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Voilà, exactement, tout fout le camp, sauf la musique. Benoît Colomba, à cette heure-ci, Mélanie Boer, oui. S'est inspirée de la contre-enquête Boulin, finalement. L'enquête Boulin. Oui, parce que le dessin, c'est bien, mais la musique, c'est mieux pour raconter les histoires. Benoît Colomba, vous vous penchez donc sur la mort suspecte d'un pilier de la Ve République, Robert Boulin, maire de Libourne, plusieurs fois ministre sous les présidences De Gaulle, Pompidou et Giscard. Il est retrouvé mort le 30 octobre 1960 19 dans un étang de Rambouillet, officiellement suicidé. Vous pensez qu'il dit bon, il serait peut-être un petit peu, on l'aurait poussé. Bon, je ne sais pas. Je n'ai pas lu tout le livre. Vous avez peur, Bauer, surtout. Vous aurez la réponse avec Juliette Arnaud tout seul. J'ai tenté, même si c'est un peu morbide, je vous l'accorde, de retracer la bande-son de ce moment. Nous partons le 30 octobre 1979. Non, c'est festif. À la radio, passe des morceaux qui résonnent étrangement avec votre histoire, comme si les artistes captaient les vibrations des tragédies dans leur musique. On commence par un jeune groupe anglais un peu dépressif qui vient de sortir son premier album, The Cure, Three Imaginary Boys, et cette chanson, It's Not You, qui dit à peu près ça, je suis fatiguée de traîner avec toi, je veux quelqu'un de nouveau, je ne sais pas trop qui, mais je sais que ce n'est pas toi, tu me poses des questions que je ne veux pas entendre, avant la fin de l'année, si je trouve un alibi, je vais t'assassiner, et toi tu ris, car tu ne comprends pas. Parce qu'il y avait du punk pendant les années de plomb. Exactement, waouh. Une autre chanson passe à la radio en cette période trouble de l'histoire. Un jeune chanteur à moustache, Francis Cabrel, vient de sortir il y a un mois, « Je l'aime à mourir », un message d'amour à la Ve République. Moi, je n'étais rien, voilà qu'aujourd'hui, je suis suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime mourir. Un autre exemple punk. Heureusement, il y a un petit peu d'espoir avec Gloria Gaynor qui cartonne partout dans le monde. On peut imaginer qu'en ce jour-là, quelqu'un écoutait quelque part, pas loin, ce qui deviendra un hymne du football français, I Will Survive. So many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned. On n'en peut plus de cette chanson, mais le numéro 1 des charts dans le monde en cette année 1979, je pense qu'il l'écoutait dans sa voiture, c'est un Français, Patrick Hernandez, qui prouve que les mangeurs de grenouilles sont aussi capables de conquérir la planète en musique avec des messages simples, nés pour être en vie, born to be alive. Alors après l'espoir, le désespoir. À la radio, une autre chanson tourne en boucle. On est disco en 1979, contrairement à ce que vous nous affirmez. Les Bee Gees avec Tragedy qui raconte ça. Je me trouve ici dans une partie perdue et isolée de la ville, suspendue dans le temps. Je me noie lentement dans un monde de larmes. Je voudrais rentrer à la maison. Je ne peux pas le faire tout seul. Je voudrais vraiment avoir ton soutien. Tragedy. On ne tient plus Juliette Arnaud. Hein. Ça gîte sur sa chaise. On l'a jamais tellement tenue. Ah, les Bee Gees. Octobre 79, c'est aussi la grande période Bon Scott d'AC/DC, avec un autre mystère, celui de la mort de Scott. En février 80, on est juste après, on le retrouve à l'arrière d'une voiture, coma éthylique, suicide, overdose, intoxication au gaz d'échappement. Toutes les théories alimentent sa légende et le titre Highway to Hell devient un classique. Juliette, arrêtez de danser. Enfin, enfin, le 30 octobre 1979, aujourd'hui sort Voyage dans la vie secrète des plantes, Journey Through the Secret Life of Plants, le deuxième double album de Stevie Wonder après Songs in the Key of Life, un disque très étrange avec des instrumentaux, des oiseaux, des arbres et des fleurs qui calment les esprits et nous rappellent que le monde est aussi fait de petites fleurs. Je vous propose de retrouver tous ces titres en compilation avec votre bande dessinée. lui n'a rien vu de la faire moulin. Hein, Stevie Wonder de Fern Garden. Beau morceau de Stevie Wonder de First Garden. Merci Mélanie Bauer pour cette bande-son l'année 79. Oui, Cabrel, j'arrête, hein, ça sera le dernier. D'accord. Vous êtes sur France Inter, on est en compagnie de Benoît Colomba, journaliste d'investigation à France Inter et qui publie l'enquête sur les années de plomb de la 5e République, cher pays de notre enfance, avec Étienne Davodeau, édition Futuropolis. Et avec vous, on va écouter, tiens, Guillaume Meurice, oui. C'est le moment Meurice, c'est l'autre journaliste d'investigation dans un autre style. La concurrence est là. Eh oui, attention, attention. Alors moi, je voudrais débuter cette chronique en citant Emmanuel Macron, hein, parce que j'aime citer les gens qui m'inspirent. Il a dit « Il faut des jeunes qui aient envie de devenir milliardaires ». Alors j'aurais pu citer Jean Jaurès, hein, qui a dit, je vous le rappelle, « Si un jour Macron devient ministre d'un gouvernement socialiste, merci d'aller bien tous vous faire foutre ». Mais bon, la situation de Manu était davantage en rapport avec mon sujet du jour, parce que ces jeunes qui veulent devenir milliardaires, je les ai rencontrés au Salon des Grandes Écoles, dans la section Business School. Plein de jeunes, avec des rêves plein la tête. J'espère finir bien placé dans la finance, par exemple en marché, en salle de marché, etc. Vous destinez à être trader ? J'espère bien. C'est vrai, ça c'est votre rêve depuis que vous êtes gamin ? Je pense qu'aujourd'hui l'argent c'est le principal facteur, le principal élément pour être content. On peut dire que l'argent achète le bonheur pour moi en tout cas. Est-ce qu'on vient en aide à son prochain en étant trader ? Est-ce qu'on vient en aide à notre prochain ? Est-ce qu'on peut faire un monde sans trader ? Non. Bah non. Ah, bien évidemment, hein, vous imaginez un monde sans trader comme ce serait triste. Aussi triste que l'amour sans le sida par exemple, ou que la politique française sans les analyses de Jacques Attali. Rien que d'y penser, ça me fait froid dans le dos. Mais bon, il y a des jeunes qui ont d'autres rêves. Moi c'est plutôt dans la finance. Dans la finance ou sinon les matières premières. C'est-à-dire agriculteur ? Non, matières premières plutôt, matières du Brent, pétrole ou le gaz. Ouf, j'ai eu peur, hein, je l'imaginais déjà hésiter entre devenir Jérôme Kerviel ou Pierre Rabhi. Hein, j'imaginais ces nuits de cauchemar dans lesquelles il arriverait en tracteur dans une salle des marchés où il se mettrait à sniffer de l'avoine. Non, hein, finalement, il a bel et bien choisi, il sera Kerviel. Mais attention, avec une sensibilité écologiste puisqu'il veut bosser dans le pétrole, mais pas n'importe lequel. Pétrole, mais pourquoi pas le pétrole vert ? C'est possible, pour moi le pétrole vert est possible. Hein. Le pétrole vert ? Pourquoi pas ? On peut imaginer un pétrole bio. Pétrole bio, pourquoi pas ? Parce que le pétrole, actuellement, en fait, il est renouvelable, mais il faut laisser le temps. Eh oui, c'est vrai. Non, mais il a raison, il faut laisser le temps. Alors, environ 150 millions d'années pour transformer de la matière en pétrole. Donc, c'est de l'énergie renouvelable, mais il faut être patient. Qui a dit que le monde de la finance était le monde du court terme ? C'est faux. Il y a plein d'idées reçues sur la finance. Qui a dit qu'une business school, c'était cher ? C'est faux. Ah, vous savez, tout est question de prix. Non, les grandes écoles sont relativement les mêmes prix. Nous, ici, les prix oscillent entre 7 000 et 15 000 euros l'année. Ça va, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Non, c'est pas excessif. C'est pas excessif. Quand il faut se couper uniquement un seul bras et prostituer seulement sa grand-mère pour payer les cours, on peut considérer que ça va. Tiens, restons avec ce même jeune qui a une belle ambition. Moi, ce qui me plaît, c'est vraiment l'international. Rencontre avec les autres cultures, je trouve ça très enrichissant. Vous pourriez faire de l'humanitaire, vous rencontreriez d'autres cultures aussi. Je pourrais faire de l'humanitaire, tout à fait. Mais je trouve, le business, c'est un mot un peu générique. Hein. On va dire business, les gens pensent commerce, pensent négociation, vente. Finalement, le business, on peut également le mettre en œuvre à la fois dans des associations. Et le mot business ne se résume pas simplement au monde de l'entreprise, à mon avis. Ah, vous êtes altruiste, en fait. Ouais, bien sûr, moi je suis altruiste. Ah, alors altriche, hein, c'est un mélange certainement de triche et de altruiste. Heureusement qu'il y a ce petit lapsus parce qu'on le sent un petit peu complexé, notre ami le jeune. Pourtant, ce serait quand même con de payer une école 10 000 boules l'année pour finir bénévole au Resto du Cœur. Heureusement, tous ses copains sont pas aussi complexés que ça. Écoutez celui-là. Vous savez, moi je suis un gros capitaliste, hein, y a pas de souci avec ça. Qu'est-ce qui vous plaît dans le capitalisme ? Dans le capitalisme ? Je vais vous dire qu'est-ce qui me plaît. Je vais dire, c'est chacun a sa chance dans le capitalisme. C'est-à-dire, c'est du marche ou crève. C'est ça, je ne vais pas vous cacher. Je vais dire, maintenant, c'est une société, on est tous attirés par l'argent. Le but, c'est de faire le plus de chiffre d'affaires possible. Personnellement, c'est mon objectif. Mais pour moi, la cistana, ça tue l'économie d'aujourd'hui. Et combien elle coûte, votre école ? Moi, personnellement, je paye 8 500 l'année. Qui la paye ? À mes parents. Bien sûr. Bah oui, bien sûr, il n'est pas du tout assisté, donc hein, tout ce qu'il a obtenu, il l'a hérité. Il l'a mérité, pardon, mérité, hein. Excusez le lapsus. Mais oui, mais ça se mérite, vous savez ce que c'est la vie d'une famille bourgeoise, hein, de se taper des rallyes à Deauville tous les week-ends, vous savez ce que c'est ? Non, vous ne savez pas ? Coucher avec sa cousine, vous savez ce que c'est ? Vous ne savez pas ? Voilà, c'est facile pour vous, vous n'êtes pas né dans la bourgeoisie. Il faut faire la différence entre l'inné et l'acquis. Et l'acquis, c'est le rôle des professeurs, et j'en ai rencontré un. Nous, on éduque nos étudiants à travailler dans le long terme. La finance est devenue responsable. Oui, j'y crois, la finance responsable. Finance responsable, finance durable, c'est tout à fait possible. Est-ce que c'est pas un oxymore ? Est-ce que c'est pas comme le viol romantique, par exemple ? Non, la finance durable n'est pas un gros mot. Eh ben non, finance n'est pas un gros mot, M-O-T, mais certainement, elle est la cause et la principale responsable des plus gros mots, M-A-U-X. Guillaume Meurice, merci. Alors, qu'en pense le journaliste d'investigation ? Là, il y a de l'enquête. Oui, tout à fait. Non, mais c'est pour ça que j'ai une phrase qui résonne en écho, hein, sur la guerre qui devait être menée à la finance. Ah oui. C'est vrai que là... Je sais pas, c'est cette histoire. Ils ont pas peur du tout. Là. Une personne qui a chanté I Will Survive après les élections régionales. Non, mais ça m'évoque le fait que, ben, en France, il y a une réforme bancaire qui a pas du tout réglé le problème, en fait. Donc, en gros, on devait séparer les banques de dépôt avec les banques qui spéculaient, hein, voilà. Et donc, là, il faut laisser sa chance à la finance solidaire, hein, c'est ça. Et durable. Les jeunes macroniens, c'est ceux qui rêvent d'être milliardaires. Voilà. Évidemment. Conformément à leur mentor, mais bien sûr. Manque de culture, quand même, tous ces jeunes. On devrait leur apprendre un petit peu la musique, la littérature, tout ça. Et la syntaxe. Ouais. Oui. Allez, on les a rhabillés pour l'hiver, c'est bon. Triche, je le mets dessus. Il est 17h43 sur France Inter avec vous, Benoît Colomba. On aborde le deuxième sujet de l'émission sur les web radios, car c'est un petit peu le retour de l'esprit radio pirate, finalement. La liberté de programmation, la liberté de délirer, la liberté des DJ sets, la liberté de ne pas être payé non plus, parce que c'est bénévole. Oui, oui, voilà. Alors, le bon côté, c'est pas de contrainte d'audience, hein, parce que les radios FM, ou les radios en général, c'est une autre musique. Ça y est, on est passé numéro 2. Eh oui, Arnold, on n'est plus la première radio de France. Avec vos conneries, vous avez réussi à mettre la radio en danger. Vous êtes content, non? Écoute, c'est pas grave, on va remonter tout ça, je vous promets, ça va. Ah oui, ça c'est prévu, ouais. Vous annulez vos vacances et vous partez en tournée tout l'été. En tournée, c'est-à-dire? Vous allez aller dans toutes les villes de France où vous m'avez niqué mon audience. Chez les gens? Voilà, chez les gens. Tu sais, on pourrait peut-être sucer chaque auditeur. Vous avez tes chiffres, ils vont grimper, ça va être génial. Voilà le programme qui vous attend si vous ne travaillez pas bien autour de cette table. Mais voilà, voilà. Extrait de Radio Star avec Lovis Cornillac. C'est une double page dans Libération aujourd'hui. Et il y a un producteur de web radio qui dit dans Libé que la radio FM est un peu une langue morte. Il pense que, voilà, d'ici. Et alors, il y a aussi la mesure d'audience, l'OJD, qui dit que d'ici 2025, les courbes pourraient se croiser entre le numérique et les radios FM, etc. 20% de l'écoute déjà en numérique. Benoît Colomba, la web radio qui ne limite pas le format, qui permet toutes les audaces, est-ce que ça pourrait être une option aussi pour le journalisme d'investigation et d'enquête? Parce que je sais qu'à un moment, vous, au bout de 45 minutes de reportage dans Interception, par exemple, vous arrivez au bout d'un certain format et votre travail d'enquête, parfois, peut être limité par le format, même si 45 minutes, c'est déjà formidable. Oui, non, mais bien sûr, mais pour moi, la radio, le web, ça va ensemble. Le web, c'est pas l'empire du mal, comme dans Star Wars. Ce qui compte, c'est le contenu. Qu'est-ce qu'on met comme contenu sur le web, et on peut en mettre beaucoup du contenu, et donc ça va, c'est tout à fait complémentaire avec la radio, absolument, et notamment pour faire de l'investigation, pour faire des web documentaires, des témoignages en longueur, de la contextualisation, tout ce que vous voulez, voilà. On peut imaginer une web radio éphémère comme ce qu'avait fait Christina The Queen et Nekfeu, qui avait fait une radio éphémère après les attentats, c'était le 23 novembre pour consoler un peu les gens. On peut imaginer un format comme ça qui arrive sur le net où vous déployez tout ce que vous pouvez. Après, il faut voir, parce qu'effectivement, comment ça fonctionne, parce que si les gens sont bénévoles, forcément, ils sont dans une certaine précarité. Donc voilà. Mais après, sur l'idée, j'aime bien l'idée, simplement, tout ce qui peut un peu casser le côté uniforme, justement, de l'ensemble des médias. On entend un peu globalement toujours la même chose dans les gros tuyaux. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça remplace peut-être les radios associatives aussi. C'est vrai que le laboratoire où on commence à essayer des choses avant de se professionnaliser, c'est intéressant. Puis travailler à Radio Meux, j'ai vu qu'il y avait Radio Meux. Ça quand même, ça fait rêver. Et oui, bien sûr. Et qui n'est pas à Paris en plus. Non, elle est à la Clusaz. À la Clusaz, exactement. Ça permet aussi de décentraliser, d'avoir un autre point de vue. Et tiens, la contre-culture en radio, alors elle est où aujourd'hui? Je me tourne aussi vers vous, Mélanie Bauer, qui venait de Radio Nova. quand même, Nova, c'est particulier. Salut nos confrères. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Radio Nova a porté pendant longtemps la contre-culture. Aujourd'hui, on essaye, mais c'est vrai qu'on est rattrapé par le web, parce que le web, c'est une culture qui n'a pas de limite et qui n'est pas formatée. Aujourd'hui, on est tous formatés, ne serait-ce que parce qu'il y a telle musique ou parce qu'il y a tel média, ou même parfois, on fait de la contre-culture en ayant cette impression qu'on est formaté contre-culture. Et donc, on ne parle pas à l'ensemble des gens. Et à un moment donné, on est coincé. Et nous, est-ce qu'on est formaté France Inter? Je ne sais pas. ce qui est bien, c'est le côté artisanal, justement, de la chose. Parce qu'en fait, notre métier, c'est un métier artisanal. artisanal. Ça prend du temps. Mmh. Et du coup, c'est ça qui est bien. Et de pouvoir constituer des petites équipes. Parce que le web adossé à des gros médias qui produisent exactement le même contenu, ça n'a aucun intérêt. C'est vrai. Mmh. C'est vrai. Et le côté artisanal, on le retrouve aussi dans votre métier de journaliste d'investigation. Et dans, ça transparaît dans la bande dessinée, hein, Cher pays de notre enfance, l'enquête sur les années de plomb de la Ve République. Et Juliette Arnaud nous en parle. Tout à fait. Alors, comme c'est de la radio, ça y est, Charline, victoire, j'ai enfin compris. Je vais vous décrire la couverture de la BD, hein, Cher pays de notre enfance. Alors, c'est un dessin qui représente De Gaulle. De Gaulle en habit président de la République, en noir et blanc. Il est cadré à mi-cuisse, ce qui, au passage, est définitivement la meilleure longueur pour une jupe. Sauf que De Gaulle n'est pas très jupe, surtout sur les photos officielles. Et comment on est filmé aussi, pour ceux qui nous regardent sur franceinter.fr, je montre la couverture. Vous voyez, on est très... Voilà, donc il y a la photo officielle. Moderne. Sauf que, pour ceux qui regardent sur le web, il y a une giclée de sang sur le visage du grand Charles et une autre giclée de sang sur l'épaule de sa veste. Un peu comme si quelqu'un venait d'être assassiné à côté de lui. Et lui, il bouge pas, hein. Sans doute pour que la photo rate pas, ou comme si ça n'existait pas, ce sang sur lui, ou pas vraiment. Cette BD, ce reportage, cette enquête sur deux morts, deux tâches terribles de la Ve République, la mort du juge Renaud en 75 et celle du ministre Robert Boulin en 79. Oui, parce que là maintenant, en 2015, je pense qu'on peut dire que oui, hein, le suicide dans 20 cm d'eau, il n'a pas plus existé que l'assassinat du juge, exclusivement par le milieu, hein, et au mieux, si ce n'est au pire, oublié par la justice. Deux morts liées au service d'action civique. De sinistre mémoire, le sac. Ah, la mémoire. Celle des années 70, par exemple, vous savez. J'ai baigné dedans. Ouais, voilà, c'est ça, le cher pays de notre enfance, de mon enfance, hein, à moi qui suis née en 73. Et oui, breaking news, je ne suis plus une jeune fille, à part dans ma tête, mais ça c'est autre chose. En France donc, à cette époque, en 73, qu'est-ce qu'on écoute en boucle ? C'est une maison bleue. Ouais. Vous avez reconnu Maxime Le Forestier. C'est un concours ou pas? Comment? Ouais, c'est un concours. Donc là, on a reconnu Maxime Le Forestier et ça, c'est sa maison bleue où on vit un tapis, on ne fera pas parce qu'on a perdu la clé. Mais ça, ce sont les années 70 racontées aux enfants à l'école. Vous savez, les années 70 racontées par, a posteriori par les parents. Ouais, nous, dans les années 70, c'était super, il y avait de l'échepoire, qu'est-ce qu'on rigolait, pas comme vous, petit con. Sauf que la mémoire est autre. Le plomb, il était français aussi, hein, il n'était pas qu'italien ou allemand. Le rêve hippie, il est mort et enterré à Altamonte en 69. Hein. La maison bleue est devenue un fantasme hors de portée en 73. Ah, la mémoire et ses fluctuations. Balzac, cité en postface par Roberto Scapinato, procureur général de Palerme, dit « Il y a deux histoires, celle officielle, menteuse, qu'on enseigne, et puis l'histoire secrète, où sont les véritables causes des événements. Une histoire honteuse. Et en France, on n'a pas que Vichy, hein, en termes d'histoire honteuse. On a aussi notre histoire coloniale et la guerre d'Algérie. Et donc l'OAS, et donc le SAC, hein, créé pour l'occasion. Les auteurs fouillent cette histoire. Et c'est important parce que si on fouille pas là, dans l'histoire honteuse, aucune chance de comprendre notre Ve République qui n'en finit pas de survivre, boiteuse et hantée. Parce que si on fouille pas, les non-dits, ils passent à l'attaque un jour ou l'autre, façon boomerang, parce que le refoulé, eh ben ça refoule, à un moment ou à un autre, toujours. Et ne vous en laissez pas compter, il ne s'agit pas de repentance, il s'agit seulement de ne pas refaire 4234 fois les mêmes âneries. Ou alors c'est du vice, et Dieu sait que j'ai rien contre le vice. Par ailleurs, ce cher pays de notre enfance, ça vous fera un excellent sujet de conversation pendant vos longs repas pas de Noël. Alors, papy, tu connaissais Charles Pasqua ? C'est quoi pendant la guerre d'Algérie ? Merci Juliette Arnaud. C'est vrai que ça va pouvoir susciter des discussions parce que c'est une page qui n'est pas tellement détaillée dans les manuels d'histoire. Ça a été parfaitement dit, c'est l'histoire d'une violence française. Voilà, et qui effectivement trouve son socle en grande partie dans la guerre d'Algérie. C'est vraiment une grille de lecture très importante. Et cette violence qui était légitime évidemment pendant la guerre et notamment la résistance, qui l'a été un petit peu moins pendant la guerre d'Algérie, la lutte contre le FLN et l'OAS, y compris sur la métropole. Et elle est devenue quasiment plus, était plus du tout légitime ensuite dans cette fameuse dérive mafieuse dont je parlais parlait tout à l'heure. Voilà. Et c'est vrai que il s'agit pas de d'être dans une position de repentance. C'est juste de voilà de poser des mots, de regarder cette histoire pour effectivement peut-être ne pas refaire les mêmes erreurs, parce que évidemment c'est pas le même contexte aujourd'hui ou hier. Mais cette question de la violence, qu'est-ce que c'est qu'une violence légitime, quels sont les moyens qu'on utilise, les buts qu'on poursuit et les moyens qu'on met à cette disposition, dans quelle mesure on va fermer les yeux pour aller faire un sale boulot au nom d'un intérêt supérieur de l'État. Bah, c'est des sujets qui restent assez actuels quand même. Et ça permet de compléter un pan d'histoire. Vous disiez tout à l'heure que ça serait plus imaginable aujourd'hui. Vous le pensez vraiment ? Vous êtes optimiste ? Ce que je disais, c'est que je faisais référence à l'affaire Boulin. C'est-à-dire qu'un escamotage, l'escamotage de l'affaire Boulin pour maquiller voilà, un crime ou un assassinat en suicide, ça serait plus possible dans ces conditions. À l'époque, ça l'était. On ne comprend pas cette affaire et tout ce qui se passe si on ne se remet pas dans le contexte de l'époque avec effectivement ce sac, ses représentants. C'était un État dans l'État, quoi. Ouais. C'est une zone grise. Une zone grise de la Ve République, avec d'un côté la vitrine officielle de ce mouvement et de l'autre un sac, un mouvement plus clandestin qui est chargé de faire le sale boulot. Voilà, c'est Cher pays de notre enfance, édition Futuropolis, Benoît Colomba et Étienne Davodeau. Troisième sujet avec vous, Benoît Colomba. Eh bien, si vous dormez à l'hôtel du coin par choix, sans forcément s'être disputé avec le conjoint, ou que vous pratiquez du yoga dans le jardin, si vous avez un jardin, sachez que ça porte un nom, la staycation. Eh ouais, de stay et vacation, c'est-à-dire aller en vacances chez soi. Enfin bref, rester chez soi, quoi. Voilà. Et je passe mes vacances tout en haut, le chéri. J'ai tout dit de la chance, je t'ai raillé, jamais pris. Je monte me toile de tente, je vis tout seul. Quelle émission de vieux, quoi. Oh, Renaud Séchant, tout en haut de Chéri. Bah écoutez, c'est un article paru dans M Le Monde. Alors, Paris déploie des efforts, d'ailleurs, pour inciter les Parisiens à voyager dans Paris. Même l'hôtel a pris super soldé en toute dernière minute en bas de chez vous, si vous voulez, pour inciter les Parisiens à passer une nuit ailleurs. On dirait comme un acte désespéré du milieu touristique. Mais je me demande, Benoît Colomba, est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme d'acte désespéré des magazines qui cherchent des sujets qui sont bon, des épiphénomènes ? Et d'acte désespéré des émissions qui commentent les magazines et qui sont en galère de sujets. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme troisième sujet ? En ce moment, dans la presse, à part les conséquences des régionales, c'est pas évident, je ne vous le cache pas. Mais je comprends pas, je pensais qu'Emmanuel Macron avait dit que l'auto-entrepreneuriat allait permettre de relancer la croissance et le pouvoir d'achat des Français. Pourquoi est-ce qu'ils sont obligés de prendre leurs vacances chez eux ? Je ne comprends pas. Regardez, l'article de M Le Monde nous dit quand même qu'à Londres, il y a 5 millions de touristes en staycation. Donc 5 millions de Londoniens qui visitent pas loin de chez eux, etc. Et ça fait rentrer 1 milliard de livres dans l'économie du pays. Ça ne fait pas sortir, puisqu'il reste... Mais ils injectent dedans. L'argent ne sort pas. Et puis voilà, pour la taxe carbone, c'est super bien. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est du gagnant-gagnant. On a tous un peu des souvenirs de visiter des choses pas loin de chez soi. Chez sa mamie, quand on va chez sa mamie, ça compte. Non, ça compte pas. Benoît, je passe mes vacances à Radio France, personnellement. Vous venez de quelle région, vous, Benoît ? Non, moi, je viens de l'Isère. Voilà. Vous n'alliez pas visiter dans le coin des choses ? Ben non, j'ai des souvenirs familiaux, de grandes réunions de famille, à Noël justement, voilà. Donc voilà. Non mais du coup, en fait moi ça m'arrange parce que du coup à cause de mes investigations, là j'ai fait une enquête sur le Maroc, je ne peux plus partir au Maroc. J'ai fait une investigation sur la Côte d'Ivoire, je ne peux plus partir en Angleterre. Oui, donc vrai. En fait ça m'arrange s'il faut partir en vacances. Non, peut-être pas sur les Seychelles ou des trucs comme ça. Non, voilà. Et depuis une enquête au Cameroun sur Bolloré, vous ne pouvez plus aller à Canal Plus non plus. Voilà, ça me rappelle quelqu'un. Ça limite un petit peu les choses, en effet. Et vous, Guillaume Meurice, des souvenirs, non ? Vous n'avez pas visité des trucs pas loin de chez vous ? Moi, j'ai grandi en Haute-Saône. Donc, en fait, le problème se règle vite parce qu'il n'y a rien à visiter. Je ne sais pas, moi, je viens aussi d'une région qui n'est pas très touristique, qui est un peu l'équivalent de Tourcoing, Roubaix, Alors, en qu'est-ce Belgique. Que vous avez visité, bah, vous, Charline ? Le canal. Ah, voilà. Les terrils, la cantine des Italiens, tout ça. Ouais, s'il y a des choses. Mélanie Bauer, vous ? Moi, j'ai grandi en Aveyron. Dites ça. Alors, la bouffe du foie gras. C'est pas grave, on peut en parler. Pour moi, l'Aveyron, c'est extrêmement exotique. Bonjour, on va finir par vous, Juliette Arnaud. Non, mais moi, je suis comme vous, je viens de Saint-Etienne. Donc, les terrils, le canal pour se noyer, puis voilà. Vous voyez la staycation, ne lisez pas, c'est pas la peine. Lisez plutôt Benoît Colomba. Il était bien ce troisième sujet. Moi aussi, j'aime bien. On le refera demain, on fera les sujets. Je vous connais un peu mieux, j'aime bien. Mais Benoît Colomba, vous n'allez pas vous en tirer comme ça, je vais vous dire, vous n'échapperez pas à une proposition indécente de Guillaume Meurice. Une proposition de sketch, parce que figurez-vous que c'est la tradition dans cette émission. Alors je vous passe le texte. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que Nathalie Kosciusko-Morizet a été évincée hein, des Républicains, en tout cas de la direction. Et donc, on a imaginé un débat entre Nicolas Sarkozy et Nathalie Kosciusko-Morizet, présenté par Jean-Pierre Pernaut, que vous allez incarner avec brio. Je ferai pour ma part Nicolas Sarkozy, puisque je suis plus ou moins l'imitateur officiel de cette émission. Et Charline fera Nathalie Kosciusko-Morizet. On est parti. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur TF1 pour ce débat en direct entre Nathalie Kosciusko-Morizet et Nicolas Sarkozy. Bonjour Nicolas. Hein, qui me parle ? C'est moi, c'est Nathalie, la rebelle, Nathalie Kosciusko-Morizet. Non, je ne connais pas ni Kosciusko, ni Morizet. Attendez, attendez, le débat n'a pas commencé. Ah, ça me fait plaisir de vous voir, Monsieur Pernaut. Et moi, je sens le gaz ou le pâté ou quoi ? Non, non, non, ni gaz, ni pâté. Ah ouais, ouais, je vois, toujours la stratégie du ni-ni, quoi. À propos de pâté, avant notre grand débat, tout de suite, un reportage dans ce petit village du Gers. Oh, le Gers, super! J'adore la province. Une fois, je suis même allée à Nature et Découverte. Ah, oh, je suis une rebelle. S'il vous plaît, un peu de tenue, madame Kosciusko-Morizet. Kosciusko-Morizet. Oui, madame, s'il vous plaît. Ni agressivité, ni énervement. Bon, si vous me laissez en placer une, grand sujet d'investigation. Nous allons donc dans le Gers, où un petit producteur vend des pâtés de lapin et des pâtés de canard. Super! J'adore le canard, j'adore. J'ai même un autographe de Donald. Moi, je suis une rebelle. Et vous, monsieur Sarkozy? Écoutez, monsieur Pernaut, pour moi, la réponse, elle est simple. C'est ni lapin, ni canard. Bon, si je comprends bien, tout le monde s'en fout de mon portage de fond. Super, j'adore. En ce moment, je le touche, mais enfin, je m'en fous, je suis une rebelle. Bah, monsieur Pernaut, est-ce que vous me prêtez 2 neurones d'intelligence? Si je les avais, je vous les prêterais volontiers. Bon, c'est pas grave, je vais me servir du seul que j'ai. Je vais vous poser une question, monsieur Pernaut. Pourquoi avoir invité madame Carême? Bah, parce qu'elle est la numéro 2 du parti, monsieur Sarkozy. Elle était. Maintenant, c'est Laurent Wauquiez. Non, mais dites donc. Bah, il vous plaît pas, mon Laurent Wauquiez? Ni Laurent, ni Wauquiez. Bon, écoutez, moi, je vais vous dire une chose. Hein. Puisque c'est comme ça, moi, je me casse. Attendez, voilà. Mon reportage dans le Gers. Moi, je vais vous dire. Moi, pour moi, ce sera ni Jean-Pierre, ni Pernaut. Benoît Colomba était Jean-Pierre Pernaut. Mais parfait, Vincent Bolloré, ça... Rachette Radio France, je sais comment je peux m'en souvenir. Et ça, vous l'aviez rêvé. On vous l'offre. Voilà. Benoît Colomba, je rappelle que vous participez aussi à l'émission, bien sûr, Secret d'Info, présentée par Mathieu Aron, le vendredi sur France Inter, à 19h20. Vous êtes en compétition officielle au Festival d'Angoulême en 2016. Félicitations avec Cher Pays de notre enfance, l'enquête sur les années de plomb de la 5e République avec Étienne Davodeau au dessin, édition Futuropolis. Si vous voulez vous replonger dans cette page sombre de l'histoire de France qui n'est pas dans les manuels scolaires et qu'on ne vous apprend pas, eh bien allez-y, c'est vraiment un très très bel ouvrage. Merci à tous autour de cette table, c'était un plaisir. On va se retrouver demain, évidemment. Et puis le mot de la fin, toute ressemblance avec des personnes blablabla, quoi, voyez. Ça y est, on est passé numéro 2. Avec vos conneries, vous avez réussi à mettre la radio en danger. Tu sais, on pourrait peut-être sucer chaque auditeur. Comme ça, tes chiffres, ils vont grimper, ça va être génial.